l'organisation des journées d'études, de m'avoir associé à ces travaux pour vous présenter ce que j'appellerais, ce qu'un thésard appellerait un rapport d'étape sur un sujet touchant à la pollution des cours d'eau, une préoccupation écologique avant la lettre, donc à la fin du 19e siècle, l'exemple du département des Vosges. La conférence sera illustrée de petites vignettes montrant effectivement la présence de nombreuses industries au bord des cours d'eau dans le département des Vosges qui, bon, on le sait, déjà au XVIIIe siècle, avaient la réputation d'avoir des cours d'eau riches en poissons. Et quand on lit, par exemple, Le voyage dans les Vosges de Théophile Gautier, 1860, en gros, l'auteur décrit les cascades, les cours d'eau, la truite vosgienne, etc. Donc, ces cours d'eau sont quasiment un sujet littéraire. Le département des Vosges que je présente avec cette carte, ce qui nous intéressera ici, c'est évidemment la partie orientale, c'est-à-dire le massif, les trois arrondissements, Saint-Dié, Remiremont, Épinal, surtout Saint-Dié, Remiremont, qui sont, pour la période qui nous intéresse, les arrondissements les plus industrialisés, avec des cours de montagne, mais qui, comme on le verra, ont un problème, celui de la pollution. Alors, le département des Vosges s'industrialise, comme beaucoup d'autres régions françaises, à partir de la moitié du siècle, et dès les années 1860, et plus encore au moment où le département s'industrialise fortement après l'arrivée des Alsaciens, après 1871, les activités se multiplient et aggravent ce problème de la pollution. Alors, quelles activités sont concernées? Si on regarde par exemple un arrêté préfectoral de 1879, ce sont les papeteries, les fabriques de carton, les fabriques de pâte à papier, les produits chimiques, les usines à gaz, évidemment pour faire fonctionner les moteurs, les usines métallurgiques, les déchets de coton posent un gros problème, les mégisseries, tanneries, les amidonneries, évidemment, qui dit textile dit amidon, les brasseries, établissements agricoles. Cette liste nous permet de caractériser l'activité économique principale de la région dont nous parlons. Pour expliquer ce que j'aurai à présenter, soit dans l'exposé, soit dans la discussion, quels sont les acteurs? C'est le ministère de l'Agriculture, des Travaux Publics, avec des circulaires, règlements, et le Parlement qui fait les lois, le préfet, bien sûr, qui joue un rôle tout à fait important, l'administration préfectorale, les ingénieurs jouent un rôle important, qu'ils soient des ingénieurs ordinaires, comme on disait, ou en chef, qui font chaque année un rapport au Conseil général, les conseils d'arrondissement, qui émettent des vœux à la suite de plaintes, de riverains, etc. Le Conseil général, bien sûr, est sa commission qui travaille, délibère, fait des propositions de rapport qui est adopté ou refusé. Le Conseil départemental d'hygiène, et puis toutes les autorités chargées de l'exécution des lois que je n'ai pas le temps d'énumérer. Ce que je voudrais essayer de discuter avec vous et de présenter, c'est la question de la pollution des cours d'eau, on va dire dans la seconde moitié du 19e siècle, voire jusqu'avant la Première Guerre mondiale, et essayer de mettre en évidence les causes qui, à la lecture des documents que j'ai pu analyser, permettent de dire les causes étaient les suivantes. On craignait d'entraver le développement de l'industrie. Les industriels, comme nous le verrons, se sont opposés une résistance au principe d'une réglementation rigoureuse. Les lois et règlements en vigueur sont restés insuffisants et surtout mal appliqués. La surveillance et la répression ont laissé à désirer. L'expertise des scientifiques n'a été prise en compte que très tardivement et les solutions pratiques ont été souvent retardées pour des raisons techniques. Et puis, une véritable pensée écologique au sens de Haeckel, hein, donc les, en 1866, du savant allemand, la relation donc, des organismes avec leur environnement. Donc cette réflexion a fait encore défaut dans la période qui nous intéresse. Je vous propose de procéder de la façon suivante. Je décrirai la situation, cause, ampleur, conséquences de la pollution. L'administration préfectorale, et non pas électorale, et le Conseil général, avec l'analyse donc du décret de 1879, la résistance des industriels, nous verrons le grand dilemme, intérêt économique et santé publique et destruction de la faune, et puis j'essaierai de décrire le mouvement qui s'est esquissé dans le sens d'une écologie avant la lettre. Alors, les espèces ont été, dans l'ensemble du département des Vosges, menacées au XIXe siècle, qu'il s'agisse, par exemple, des perles de la Vologne, dans cette région, ou l'ensemble des ruisseaux, même dans la plaine, à cause des activités agricoles. Et j'ai laissé volontairement de côté, parce que ça nous emmènerait au loin, la question des eaux d'égout, de canalisation, etc., pour me concentrer sur le grand problème du dilemme industrie et préoccupation concernant la nature. Et puis, ici, avec donc, la Moselle, la Meurthe à Saint-Dié, et puis la Mortagne, Rambervillers. Voilà en gros. Alors ici, pour montrer à quel point l'écrevisse était populaire, et elle a été menacée à cette époque, une photo pour montrer ce moulin dit des écrevisses dans la région de Plombières. Alors, comme je l'ai indiqué, dans les années 1860, des plaintes sont adressées au préfet, au Conseil général, à la commission, de sorte que le préfet va développer, on va dire, une législation, mettre en place une législation et... À cette époque, donc, le préfet prend cet arrêté le 1er août 1879. Il est interdit de déverser dans les rivières hein, aucune matière à résidus, solide, liquide, susceptible de nuire aux poissons. À cet effet, donc, les usiniers, fabricants, propriétaires prendront les dispositions nécessaires pour les eaux dont ils se serviront pour leur industrie. Donc, soit rendue à leur cours naturel à un degré de pureté tel qu'elle ne puisse porter préjudice au peuplement des cours d'eau. Les dépôts de résidus de toutes sortes seront placés à l'abri des inondations. Et puis, un délai de 6 mois, à partir de la publication du présent arrêté, est assigné aux intéressés pour se conformer aux mesures prescrites ci-dessous. Mais nous verrons que par la suite... les industriels du département, qui sont des élus, des notables, etc., nous aurons en reparler, eh bien, vont opposer une résistance avec un argumentaire que je présenterai. Donc, à la suite de plaintes de propriétaires hein, dans la région de Remiremont, par ici, donc sur les bords de la Moselle, Saint-Étienne, Saint-Nabord, et sur proposition des ingénieurs des ponts et chaussées, qui jouent là un rôle tout à fait important pour relayer, présenter sous forme de rapport au Conseil général les problèmes qui se posent, sur proposition des ingénieurs, le préfet a élaboré un projet d'arrêté. Alors, que dit cet arrêté ? Il est, comme nous allons le voir, contraignant et répressif. Donc, article 1er, formellement interdit aux propriétaires d'usines du département de faire écouler soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire après un retraitement des eaux dans les forêts, dans les fossés, ruisseaux et cours d'eau navigables ou non navigables, des eaux chargées de résidus industriels. Je vais à l'essentiel. les eaux devront être traitées dans des bassins par la chaux. Ensuite, le curage des bassins devra être effectué à la première réquisition du maire, soit des agents des ponts et chaussées. Et article 6, faute par les industriels de se conformer aux prescriptions ci-dessus, il sera dressé des procès-verbaux, etc., etc. Alors, évidemment, les élus, les conseillers généraux du département sont des maires, des députés, des conseillers généraux, enfin, ce sont des gens qui sont, nous aurons à le souligner à plusieurs reprises, juges et parties, finalement, quand il s'agit de délibérer. Alors, quels sont les arguments présentés par le rapporteur de la commission? L'argumentaire est très très long, je retiendrai ici que quatre éléments. Ces mesures sont en effet destinées à astreindre les nombreuses industries qui font la principale fortune de notre département à un contrôle incessant et à des précautions méticuleuses et coûteuses dont l'application pourra dans la pratique se heurter à de très grandes difficultés. Deuxième argument de la commission, cet arrêté contient une exagération et un danger. Il importe d'atteindre le but sans le dépasser et de ne pas conjurer un péril pour tomber dans un autre. Enfin, on redoute d'ouvrir la porte à des vexations et à un arbitraire. Un maire ou des officiers qui vont venir faire des constats et vexer, c'est le terme utilisé, des industriels qui sont par ailleurs des notables et des élus, ça ne va pas. Et d'autre part, un autre argument, combien d'usines n'ont aucun terrain dont elles puissent disposer pour l'absorption de leurs résidus. On verra aussi, par exemple, pour placer des bassins de décantation, etc. Voilà. Donc, je reformule le grand dilemme qui est un peu au cœur de la réflexion. Développement industriel, respect de la faune aquatique et de la santé publique, c'est autour de cela que se résume le problème. Et l'argument que je vais proposer là sous forme de citation, on le rencontrera souvent dans les expertises également des professeurs de l'université de Nancy, de l'école supérieure de pharmacie, qui seront sollicités donc comme experts. On retrouve donc ce dilemme. Si l'on ne peut que se féliciter au point de vue économique de la naissance et du développement de ces diverses industries, il est en moins permis de regretter qu'ils aient eu pour conséquence indirecte la destruction de la majeure partie du poisson qui existait dans les cours d'eau des Vosges. Et de priver ainsi, ça c'est l'argument social, à priver ainsi la population et en partie la classe laborieuse d'un excellent aliment qu'elle pouvait se procurer autrefois à bas prix. La question de la pollution des eaux par les résidus industriels présente en outre un réel intérêt du point de vue de l'hygiène publique et a déjà donné lieu à plusieurs plaintes dans diverses régions des Vosges. On voit là qu'en 1900, la commission a changé de ton. Et le préfet, finalement, en 1901, réussit à prendre un arrêté qui permettra, alors non pas d'aller dans le sens de cette législation contraignante, humiliante, dont on parlait à l'instant, mais qui propose à l'amiable, j'allais dire, des accommodements avec les industriels, et c'est la contrepartie, est mise en place une commission chargée de vérifier si les prescriptions imposées lors des autorisations sont respectées. Voilà. Et on constate effectivement que dans le budget du département des Vosges, à partir de 1902, est affectée une bien modeste dotation de 200 francs, qui en plus de ça est prise sur les sommes destinées jusqu'ici au Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département, 200 francs pour faire fonctionner cette commission qui, à chaque fois qu'il y aura une plainte ou qu'il y aura un délit signalé, devra intervenir et émettre une expertise, un avis. C'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Il existe également des commissions chargées de cette fonction. Voilà. Donc, l'arrêté préfectoral dit la chose suivante. Donc, les industriels vosgiens, en dehors des conditions spéciales, hein, insérées donc dans leurs arrêtés d'autorisation, sont d'une manière générale astreints à ne laisser écouler dans les fossés, etc., que des eaux neutralisées, refroidies, clarifiées, rendues limpides, inodores, débarrassées de toute matière chimique nuisible aux poissons et toute matière organique solide susceptible d'une fermentation ultérieure. Voilà. Et le mouvement en faveur d'une législation plus sévère, on constate la chose suivante, c'est qu'un mouvement de protestation s'organise. Et cela, par exemple, le journal officiel de la République nous le montre. Se créent à cette époque des sociétés de pêche à la ligne qui agissent auprès des conseils d'hygiène, du préfet, des élus du conseil général. Elles s'appuient sur la presse. Hein, on peut vérifier cela très facilement par exemple, en Lorraine, sur le site Le Kiosque Lorrain, hein, à travers les différents journaux. Le journal de la Meurthe des Vosges, l'Est Républicain, sous forme de mots-clés, c'est tout à fait intéressant. On rencontre beaucoup d'articles qui parlent de l'action, voire de l'activisme des sociétés de pêche qui veulent faire valoir leurs intérêts. Et qui organisent aussi des congrès, par exemple à Paris, le grand colloque des sociétés savantes annuel fait une place à ces questions. Donc on voit là les scientifiques et les chercheurs appliquer. Les pêcheurs et tenir compte dans leurs travaux de ce problème de la pollution des cours d'eau. Et les sociétés de pêche font donc usage de la loi de 1902 qui leur permet de louer des lots de pêche à l'amiable. Hein. Parce que un des trucs des industriels, en quelque sorte, c'était, dans les Vosges aussi, de louer des lots de pêche sur tout le long des cours d'eau pour être quitte d'être mise en difficulté par les sociétés de pêche et se mettre à l'abri de plaintes. Voilà. La presse locale joue là un rôle tout à fait important parce qu'elle relaie l'information, aide les sociétés de pêcheurs. Et on note par exemple sous la plume d'Henri Bardi dans la chronique des Vosges, en 1900, alors Henri Bardi est un pharmacien de Saint-Dié, il est président de la société philomatique du département des Vosges, il écrit beaucoup, c'est, je dirais, un leader d'opinion locale qui a une certaine audience, hein, et ses articles concernant la pollution méritent tout à fait notre intérêt. Il est également l'auteur de rapports sur la pollution. Mais à propos, par exemple, de l'inanité des arrêtés préfectoraux, il écrit en 1900, ce n'est pas du nouveau, l'on a constaté 1000 fois, mais les arrêtés préfectoraux et autres règlements administratifs n'ont jamais pu rien empêcher sous ce rapport. Le propriétaire d'usine, le grand industriel, fait généralement partie de ce que le peuple appelle les grosses légumes. Il est le plus souvent maire de sa commune, conseiller général de son canton, député de son arrondissement, etc. Une troisième catégorie dans ce mouvement, ce sont les scientifiques. Alors, évidemment, il faudrait parler là rapidement du mouvement hygiéniste, mais mon temps est compté. On a là, par exemple, à la faculté, l'école supérieure de pharmacie de Nancy, des professeurs travaillant avec des ingénieurs, alors, comme on le voit par exemple ici dans les annales d'hygiène publique de médecine légale, Massé, hein, professeur donc d'hygiène à l'université de Nancy, et monsieur Imbeau, qui est le directeur des services techniques municipaux, ingénieur des ponts et chaussées, qui travaillent ensemble, hein, qui vont faire des prélèvements, des relevés sur la Moselle, sur la Meurthe, hein, et qui fournissent donc des expertises. Mais on se rend compte que, et dans l'introduction, et dans les conclusions, le dilemme revient. On dit voilà, nous allons parler d'une activité qui est très importante pour la fortune du pays, pour la fortune du département. Et puis on voit que les conclusions de leur rapport sont extrêmement nuancées. Hein. On propose des petites transformations, ou par exemple, alors pour donner un exemple sur la Moselle, quand ils sont appelés pour parce que à Pompée, les usines déversent des éléments dans l'eau, vont faire des prélèvements et disent que finalement les déversements, comme on dit à l'époque dans la Moselle, ne sont pas dangereux, que l'eau se purifie d'elle-même. Les pêcheurs, eux, constatant des morts de poissons, présentent une situation différente des choses. Voilà, j'en arrive à mes conclusions qui seront un petit peu longues. Évidemment, j'ai proposé comme titre les débuts d'une pensée écologique que j'ai assorti ici d'un point d'interrogation. Il n'est pas question, évidemment, si on fait par exemple des relevés par les bases de données sous forme de mots-clés, si on croise des mots-clés comme nature, usine, nature, industrie, etc., on aboutit à des échecs. En revanche, on trouve énormément de choses sous d'autres aspects que je vais rapidement signaler. Pensée écologique dans le sens d'un engagement de la presse, des journalistes, des opinions, des leaders d'opinion locaux, des pêcheurs, des scientifiques, des ingénieurs aussi qui adoptent des attitudes plus ou moins différentes. On le voit aussi dans leur rapport, par exemple, au Conseil général des Vosges. Voilà. Et ces scientifiques sont parfois de véritables lanceurs d'alerte. On se rend compte que la science, mais ça, on pourrait dire que depuis les Lumières, depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis Lavoisier, depuis Chaptal, etc., le chimiste joue dans les questions d'hygiène publique un rôle de plus en plus important. Les professeurs s'engagent plus ou moins. J'ai constaté que dans les sociétés savantes, quand je fais une recherche, pollution, déversement, résidus, eau résiduaire, tout ça, sont des termes qui n'apparaissent pas du tout. Et pour certaines raisons de prudence, de rapport avec le pouvoir politique, je crois que les sociétés savantes du département des Vosges, que ce soit la philomatique ou la société d'émulation, sont très, très prudentes dans cette question. Et puis, des lieux d'expression jouent un rôle tout à fait important, la presse, les congrès, les conférences illustrées, comme par exemple la société industrielle. La société industrielle organise à Nancy, alors dans le bureau de cette société siègent également des gens comme Boucher, qui sont des industriels vosgiens, qui étaient ministres, etc., organise des conférences cinématographiques, s'il vous plaît, des conférences diapositives aussi, sur la question de la pollution. Le rôle de la presse qui informe l'opinion, dénonce les blocages, l'insuffisance des règlements en vigueur, qui sont régulièrement dénoncés, peu respectés, ouvre ses colonnes aux scientifiques, publie les comptes rendus de congrès. Voilà la situation avant 1914. Voilà donc le début d'une pensée écologique. Alors, également sous les aspects suivants, on se rend compte que l'analyse, la science font des progrès, que le mouvement hygiéniste se manifeste, les notions d'hygiène, de santé publique reviennent à propos de la pollution des cours d'eau assez régulièrement. On assiste également dans la presse et dans les revues, évidemment, de médecine ou d'hygiène publique, à la naissance et à la diffusion d'une terminologie à caractère scientifique, mais également écologique, avec des mots tels que pollution, contamination, déversement, résidus délétères, résidus industriels, eau et matières résiduelles, etc. Un vocabulaire technique aussi, parce qu'il y va également de la solution apportée à ces problèmes. Hein, et on voit même dans la presse apparaître déjà des publicités, dans la rubrique des annonces, des publicités d'ingénieurs qui proposent des cuves ou des bassins de décantation, des filtres, des pré-filtres hein, pour épurer les eaux utilisées par les industriels, puis épandage, toutes les formes d'épandage possibles. Voilà. Et ce qui est important aussi, et qui met en évidence le retard de la France de façon générale dans ce domaine, ce sont les comparaisons internationales faites notamment au niveau des congrès organisés dans le cadre des expositions universelles, où on voit que l'Angleterre ou l'Allemagne ont une avance tout à fait considérable. Et je voudrais vraiment, pour terminer, je parlais tout à l'heure en introduction de rapports d'étape, je compte bien persister, s'ouvre là un champ de recherche tout à fait intéressant. Quelles sont les sources que l'on peut utiliser, vous comme moi, pour réfléchir à cette question sur des sites comme Gallica ou autres, ou les revues comme les annales d'hygiène publique. Les recueils des actes administratifs du département permettent de voir l'évolution de la réglementation au niveau préfectoral. Intéressant également d'étudier à travers la presse, mais d'autres documents également, les procès intentés par les riverains aux industriels, les comptes rendus des travaux des conseils d'arrondissement et surtout des conseils d'hygiène qui sont publiés et qui font dans cette même revue l'objet de recensions tout à fait intéressantes. L'histoire des entreprises également peut nous permettre de voir quels moyens techniques ont été mis en œuvre pour essayer de résoudre ce problème de la pollution. Et puis, la presse locale, une analyse systématique. Les grandes revues comme les annales d'hygiène publique, de médecine légale. Et puis, je dirais aussi, parce que c'était ça qui était essentiellement au cœur de l'exposé, une prise en compte des enjeux idéologiques et politiques dans l'attitude des différents acteurs. Alors, je vous remercie de votre attention.